Montréal. Oui, oui, oui. On voulait se faire un petit bloc Montréal parce que, mon Dieu, il y a encore des choses qui méritent d'être mentionnées. Y a-tu un autre endroit dans l'univers où on pourrait considérer sérieusement des groupes de pédaleux qui iraient voir les polices et qui diraient « Nous autres, on aimerait ça plus faire nos stops. » C'est incroyable, ça. C'est incroyable un matin, ça. Étant donné qu'on veut pas perdre notre beat, parce qu'on est tous des Lance Armstrong en train de gagner le Tour de France, étant donné que débarquer nos pieds des étriers, là, c'est une somme considérable d'énergie, puis là, après ça, faut rembarquer dans nos étriers, puis ça fuck toute notre montre pour prendre le pouls. Mais là, on les prend au sérieux, c'est ça le pire là-dedans. Quand il y a des illuminés qui décident de dire « On veut pas faire nos stops à vélo », puis tu dis ça à radio, puis bof. C'est une chose. Mais quand les policiers considèrent l'option et les remettent pas à leur place, ça, c'est une autre chose. Là. Comprends-tu? Là? C'est l'arrêt Idaho qu'on réclame chez les cyclistes de Montréal. C'est quoi ça, l'arrêt Idaho? Ça veut dire qu'on n'arrête pas un stop. Il y a un stop, t'es en vélo, puis tu continues à l'intersection. Ouais. Ils sont rendus loin, là, sérieusement. Puis là, les policiers, de ce que je comprends matin dans la presse, ils osent pas trop leur dire non. Ils leur disent que c'est pas trop applicable, mais qu'on est réticent. Mais ça devrait être une réponse beaucoup plus claire que ça, là, à mon avis. Là. Tous les droits, aucune responsabilité. C'est ce que les cyclistes demandent à Montréal. Ils appellent ça l'arrêt Idaho parce qu'en 1982, en Idaho, on a appliqué ça. Puis là, ça a l'air... D'un champ de patates. Depuis ce temps-là, ouais. C'est parce que l'Idaho, c'est pas l'État le plus urbanisé au monde, là, vous entendu? Et c'est parce que là, ça a l'air qu'il n'y a pas eu d'augmentation des accidents puis tout ça. Bref, on considère ça un peu, là, comprends-tu? On jase un peu avec eux autres, là, et on leur ferme pas la porte carrément, là, en pleine face sur cette demande-là de ne pas faire et de ne plus avoir à faire les stops à vélo à Montréal. Là. La réalité, c'est qu'il y a déjà plusieurs cyclistes et à Québec et à Montréal qui se foutent des stops. D'ailleurs, ben, d'ailleurs j'ai manqué me faire renverser encore en fin de semaine avec la poussette. Bravo aux super cyclistes de la ville de Québec qui regardent pas ce qu'ils vont et qui se collusent du monde comme l'an 40. Mm-hmm. Les trottoirs, les avenues, on regarde pas. Hein, on est sur un bon beat, le pouls va bien, on s'occupe de notre entraînement. Vous occupez de ce qui se passe autour de vous autres, comme le font les piétons et comme le font les automobilistes, ça vous tente pas? Alors ça vous tente pas. Non, eux autres, les stops, c'est pour tout le monde, sauf les cyclistes. Évidemment. Ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Et la journée où une vanne va ramasser un cycliste qui n'aura pas fait son arrêt, évidemment, ce sera de la faute au chauffeur de vanne. Ça, c'est sûr. Puis c'est que quand il y a un accident d'un tunnel, c'est la faute du tunnel, que tu sais. C'est tout le temps comme ça, là. Là, l'autre affaire, c'est qu'il demande une distance, obliger les automobilistes à demeurer à au moins 1 mètre ou 1,5 mètre de distance du vélo quand ils dépassent un cycliste. On s'entend-tu que la SPVM a d'autres chats à fouetter? J'espère. On s'entend-tu que les policiers de Montréal, ils ont peut-être d'autres dossiers un peu plus importants à checker, là, puis à vérifier, là, que ces histoires-là de pas faire de stop aux intersections. Faut-tu être déconnecté, sérieusement? Là? Déjà qu'ils veulent pas aucune responsabilité sur la route. S'il faut, en plus, les en enlever, on n'a pas fini. Imaginez-vous une seconde que les automobilistes se comportaient de cette façon-là, à grandeur du Québec. Hey. On fait plus nos stops, nous autres. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut se rendre, hein? Ouais. Puis on considère qu'on est assez responsable pour brûler un stop quand on voit que c'est tranquille autour de nous. Ben, c'est ça. Il y a un journaliste plate qui peut se permettre d'être plate parce qu'il écrit dans Le Devoir puis qui travaille à Radio-Canada, qui s'appelle David Desjardins, qui a déjà dit ça, je pense, dans une entrevue qu'il avait faite ici, là, que... Un stop, dans le fond, pour un cycliste, c'est un cédé. T'as pas à t'arrêter. Boy. Il a parlé des feux rouges aussi. T'as pas à t'arrêter aux signaux de signalisation comme ça. Il faut que les cyclistes le considèrent plutôt comme un cédé. S'il y a personne, s'ils voient qu'il y a personne à l'intersection, c'est... Ah ouais, on avance, puis il y a pas de problème, puis il y a pas de stop à faire. Il l'avait déjà dit, lui, très, très sérieusement. Mais tu sais, s'ostiner avec du monde de même, la vie est tellement courte. Moi, je perds plus mon temps, là. Mais c'est parce que on peut-tu garder... Au-delà de la folie furieuse pour qui les gens pour qui le vélo est une religion là. Mm-hmm. T'sais, moi je les enlève, je lui parle même plus. Regarde, faites ce que vous voulez là. Si vous il brûle un char le vendredi puis il danse en rond autour en chantant du harmonium, parfait, amusez-vous, je n'ai rien à foutre. Mais on peut-tu nous autres, la société là, les autorités, les gens qui prennent les décisions, on peut-tu garder juste le sens de la logique, mais c'est le sens des valeurs. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à Montréal ces gens-là ont le contrôle. En fait, il y avait le contrôle. Puis il y a une autre nouvelle un matin que j'aime, moi, ce matin, dans Le Devoir. c'est que la ville de Montréal a décidé de défendre bec et ongle son règlement P6. Tu veux-tu du règlement P6? C'est à la une du Devoir ce matin. On nous présente ça comme un scandale là, que la ville dépense de l'argent pour défendre ce règlement-là. Tu viens-tu de ça? C'est quoi ce règlement-là? C'est le règlement qu'on avait voté pendant la crise étudiante en 2012, où on demandait quelque chose de très simple aux manifestants, c'est-à-dire de manifester à visage découvert et à donner le trajet de l'itinéraire d'avance. C'est ça, P6, là. Pas bien compliqué. C'est un règlement où on dit aux manifestants, ton casque d'anarcho panda, là, enlève-toi ça de sa tête. Puis le foulard que t'as d'en face, là, enlève-toi ça de sa tête. Tu veux manifester? Parfait. Mais tu vas le faire à visage découvert, comme tout citoyen doit le faire, et tu vas donner le trajet. Okay? Est-ce que le règlement s'applique aux super-héros? Ben oui. Fait que non, l'anarcho panda, c'est pas un super-héros, ça? Non, je pense pas. Okay. C'est super-héros des carrés rouges, ouais, là. Ouais, c'est ça. Mais le gars qui était à Denis Lévesque hier, il fallait qu'il enlève son casse aussi, là. Ben, c'est ça. Mais on leur demandait pas grand-chose, là. Mais je suis content de voir que la ville a décidé de le défendre. Parce que là, la nouvelle le matin, c'est que la ville a décidé de faire affaire avec des avocats dans un bureau d'avocats privés. Puis ça va coûter 110 000 $. Puis là, le Devoir, un matin, ils ont donc bien l'air à trouver que c'est un scandale puis que ça n'a pas d'allure de dépenser 110 000 $ pour défendre le règlement P6. 110 000 $. Moi, si j'étais Montréalais contribuable, je serais bien content. L'offre est acceptée. Regarde. Dans un dossier comme celui-là. Denis Coderre s'est pris beaucoup de notes dans les dernières années sur comment gérer une ville. Puis oui, c'est pas parfait là à Québec, loin de là. Mais certaines choses, on voit qu'il a pris des notes sur ce que la bombe fait. Là-dessus, là, je pense que oui. Et très, très bonne nouvelle, parce que la ville aurait pu s'effoirer devant les carrés rouges et les manifestants professionnels. Et finalement, on a décidé d'aller jusqu'au bout avec ce règlement-là, qui est quand même pas révolutionnaire. Mais non. Tu sais, tu y crois à ta cause que pour laquelle tu descends dans la rue. Il me semble que c'est à moins des choses que de te dévoiler le visage, là. À moins que t'aies quelque chose à te reprocher puis que tu veuilles faire du... C'est quoi la raison de se masquer pour faire une manifestation? Faire la marde. Si t'as rien à te reprocher, ouais. Puis que t'es pacifique puis tu veux pas faire de marde. Fais le visage découvert. Let's go. Regarde ce qui est arrivé aux pompiers pas de cagoule, là. Ils se sont fait mettre dehors, ils se sont fait suspendre. Regarde, tu veux faire de la marde? Ben, la marde va porter ton nom, mon ami. Et voilà. Bravo à la ville de Montréal qui commence à l'administration Coderre, qui a tendance à mettre ses culottes. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Ronald Martin aujourd'hui. Ça a l'air que...